paraissait encore chier. Il ne voit pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte. Je déverse mon amertume, combien de larmes, ma rage écume. Combien de fois, combien de femmes, combien ont succombé aux frappes du mal et son culte, ouais. Toi innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr, donc ferme-la et suce. T'aimerais juste une promotion, sus. Avoir un rôle dans un film, sus. Dans la misère, dans le luxe, sus. Plus t'arrêtes de jouer la victime, sus. Y'a trop de faux culs qui ont capitulé à la Tarantino. Les michetos baissent pour du Valentino. Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau. Nouvelle start-up pour payer tes études, appelle l'homme mûr. Pour régler tes factures, caresse l'homme mûr. Fera pas comme sa fille, mais son plan cul. Chou garde à 10 papis occultes. Je les entends déjà dire, elles sont pénibles. Mais de jour en jour, les langues, c'est délit. Change ta gestuelle, chantage sexuel. Au boulot, t'as intérêt d'être manuel. J'ai parfois chanté du R. Kelly. J'ai vite déchanté d'un air débile. À 13 ans, je jouais le pianiste. La pauvre Samantha, elle rencontrait Polanski. J'ai grandi avec du noir désir. Puis tout est parti à la terrible. De nulle part, l'aigle noir surgit sur la vie. Dans les foyers, dans les caves, en collectif. Et je les regarde en rire. T'es mal et lyrique, y'a trop de litiges. Y'a plus de limites, hein. Te déshabille pas, il te violera pour lui. T'es comme une tympan vitrine. Balance ton porc, ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Non, pas de chasse aux sorcières. Élève ta voix si t'as le choix. C'est très grave ce qui se passe. Derrière un mort, un cortège. Tous les assassinats, les stigmates, les jugements mitraillent. Nier les tabous, en effacer les traces. Le bourreau se cagoule et n'a pas de race. On te tabasse quand tu laboures. On prend ton âme, on te sabote. Même l'amour t'a brisé en quatre. J'suis pas féministe. Le vrai terme c'est humaniste. Pas d'hierarchie dans la souffrance. C'est pour chacune de tes peines que je culpabilise. J'ai pas le temps pour les machistes. J'pense à toutes celles qui n'ont plus rien dire. À Hollywood, le silence est d'argent. Ta réputation dépend de ton garant. Y'a de moins en moins d'amour. De plus en plus de rejet. Quand le diable vient faire la cour. Malheur au jardin des secrets. Si seulement l'harcèlement n'était qu'une légende. Si seulement l'harceleur n'était qu'une erreur. On prend à la folie, tomber dans la démence. Parano dans la rue, dans tous les secteurs. La vie aussi rose que le peignoir de Strauss-Kahn. Ma fille est en sécurité partout. Aucun relou. Tu ne crains rien, je le jure, sur la queue d'Harvey Weinstein. Balance ton porc. Ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Dans ta routine est une symphonie de coups qui résonne comme de l'esclavage moderne. La justice fait semblant d'être à l'écoute avec l'audition de Beethoven. L'État continue d'ignorer, laisse une fois de plus nos racines en rade. Les homosexuels déportés pendant que la Libye amarre l'amistad. Gros, t'es pénible, range ton pénis pour un penny. Toi, tu t'exhibes, leggings sexy, des films sexistes, les gosses t'excitent, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey.